Evariste, Ndiko Manyanga. Alpha Koubimana sur la mise en onde, bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isangadro, à ce journal dont voici d'abord le sommaire. 12 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande que la cause de cet incendie soit connue. Vous entendrez Gabriel Sidi au début de ce journal. Le peuple congolais et rwandais qui effectuaient des navettes commerciales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que la région du Grand Lac, vont souffrir des tensions paralysant l'est de la RDC, en point de vue de Pascal Nyonizigiye, politologue et professeur d'université. Les prisonniers doivent développer les activités entrepreneuriales pour ne pas retomber dans les infractions une fois libérés. Propos de l'enseignant de l'Université du Burundi et avocat Ndayimeye Dismas. Et la chronique sportive de ce lundi portait sur les défis auxquels fait face la Fédération burundaise de karaté. Bienvenue à cette actualité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page économie. L'Olucom plaide pour des enquêtes judiciaires afin de connaître les causes de l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura et ses auteurs pour qu'ils soient traduits en justice. Propos de Gabriel Sili dans une conférence de presse qu'il a animée ce lundi, le 27 janvier, 12 ans après cette tragédie qui a ravagé ce grenier du pays. Gabriel Sili propose que les anciens occupants de l'ancien marché central de Bujumbura soient les premiers à y avoir des stands après sa réhabilitation. Ce marché était un marché qui avait de l'importance au niveau de la capitale Bujumbura, mais d'abord à l'intérieur du pays et dans les pays limitrophes, que ce soit au niveau du Congo, du Rwanda, de la Tanzanie. Tous les commerçants de la région s'approvisionnaient au Burundi à travers le marché central de Bujumbura. La valeur des marchandises qui se trouvaient dans le marché central de Bujumbura était 20% du PIB du Burundi. Vous comprenez avec moi que perdre le marché central de Bujumbura, c'était pratiquement perdre 20% de l'économie nationale. Ce qui nous a fort touché, c'est le comportement que le gouvernement de cette époque a affiché. Si réellement on avait tiré des leçons dans les tragédies qui ont ravagé le marché du pays, on devait constater 4 ou 5 éléments suivants. D'abord, on devait avoir dans le marché, que ce soit les marchés publics, donc de l'État, ou les marchés privés, des couloirs à travers lesquels des camions anti-incendie doivent passer pour limiter les dégâts quand il y a d'incendie. De même, les insecteurs qui doivent être mis dans les places appropriées ne sont pas là. Le troisième élément, c'est en rapport avec les assurances. En principe, le gouvernement devait sensibiliser, voire même faire une obligation conformément à la loi, à tous les occupants des marchés d'avoir des assurances. On devait aussi avoir eu des enquêtes indépendantes qui nous montrent réellement le mobile de l'ensemble des marchés, les auteurs et les co-auteurs et les sanctions relatives. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces éléments. Nous demandons à ce que les victimes, les 5000 anciens occupants de l'ex-marché de Bujumbura aient une place de choix, mais aussi d'avoir des actions et des stands et shops dans l'ex-marché central de Bujumbura. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche 26 janvier les forces rwandaises à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo, RDC, et à cesser leur soutien au groupe anti-gouvernemental M23 engagé dans des combats contre l'armée congolaise dans l'Est, selon un communiqué de son porte-parole après une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre-temps, les rebelles du M23 ont revendiqué dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 janvier la prise de Goma, ville majeure de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils appellent l'armée congolaise à se rendre, c'est ce qu'a indiqué auprès de plusieurs agences de presse, l'Alliance du fleuve Congo, qui comprend le M23. Ce dimanche, le M23 avait accentué la pression sur la capitale provinciale du Nord Kivu, assiégeant Goma. Suite à cette escalade, le président kenyan William Ruto et président en exercice de la communauté est-africaine a convoqué le sommet dans l'urgence. Les peuples congolais et rwandais qui effectuaient des navettes commerciales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que la région des Grands Lacs, vont souffrir des tensions paralysant l'est de la RDC. Un point de vue d'un politologue et professeur d'université qui trouve qu'elle rappelle déjà des diplomates congolais accrédités à Kigali et dénote d'une situation grave entre ces deux pays. Pascal Nyonidigye suggère que la stratégie utilisée pour résoudre les conflits russo-ukrainiens et d'Israël devrait être repliquée dans cette crise en RDC. On l'écoute. Cette guerre à l'est du Congo, c'est une guerre qui fait peur parce qu'elle nous touche tous. On était habitué à ce qu'il y ait une tension, des relations froides entre la RDC et le Rwanda. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu rappel de représentants diplomatiques. Alors, si on arrive à ce niveau, ça veut dire que c'est grave, ça veut dire que la RDC est vraiment très mécontente de la situation qui est en train d'évoluer au Congo, parce que d'après les informations, nous apprenons que beaucoup de localités sont prises par le mouvement M23. Alors, comme le Congo a accusé le Rwanda d'être derrière ce mouvement, ipso facto, la RDC considère que c'est le Rwanda qui est en train d'attaquer le Congo, ce que le Rwanda refuse naturellement. Alors, si on arrive à ce niveau, ça veut dire que bon, la tension entre le Congo et le Rwanda, qui sont des pays voisins du Burundi, risque de nous contaminer. Et ça deviendra encore plus grave. Que dire des relations entre les deux peuples? Certes, il y avait des échanges entre les deux. Le problème en soi, je trouve qu'il se trouve entre les deux gouvernements. Mais sinon, si on visite les frontières, par exemple, entre le Congo et le Rwanda, au niveau de Changugu, par exemple, sur le lac Kivu, c'est des netans, comme avant d'ailleurs. Ce sont des relations qui sont très visibles, qui sont très dynamiques entre Rwandais et Congolais. Maintenant, avec le rappel des représentants congolais, ça veut dire qu'il y aura une psychose à la frontière. Les peuples souffrent de ces tensions. Parce que normalement, les peuples entre eux n'ont pas de problème. Le Rwanda et les RDC, tous membres de la communauté est-africaine, ils sont aussi de la CIRGL. On a cet accord de Luanda quant à l'insécurité ou la sécurité à l'est de la RDC. Est-ce qu'on peut parler d'échec de toutes ces plateformes régionales? Oui, effectivement. Maintenant, c'est ce qui se dit souvent dans les médias. Les analystes politiques disent que ce soit la communauté est-africaine, que ce soit la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, que ce soit la SADC, toutes ces organisations-là, tout comme le processus du Rwanda aussi, qui est vraiment en phase, on va dire, stationnaire, presque moribonde. Ces organisations sous-régionales ont échoué et n'ont pas réussi à résoudre le problème entre le Congo et le Rwanda. On a tout essayé, on a envoyé des troupes, de l'EAC, on a tenté avec la SADC, ça ne marchait pas au niveau de la CIRGL, bon, ça n'avance pas. Donc, je crois qu'on a besoin d'un appui extérieur à ces organisations. Et c'est là où je me dis que dans le processus actuel généralisé de mettre fin aux guerres d'actualité comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis la guerre dans la bande de Gaza, je crois qu'il y aura un sursaut pour l'est du Congo afin qu'une initiative vienne d'une autre région du monde, comme par exemple l'Europe ou l'Amérique, pour essayer d'encourager les dirigeants de la sous-région dans le processus du Rwanda. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent octroyer des bourses d'études sur critères régionaux serait un faux départ. Analyse du professeur Pierre Ndungoma, sociolinguistique et didactique, qui trouve qu'il faut plutôt tenir compte de l'excellence et non de la province, de la provenance de l'étudiant, et cela pour avoir des cadres suffisamment outillés qui puissent mener le pays vers la vision 2040-2060. Il le dit après que la semaine dernière, les sénateurs ont divergé sur les critères d'octroi des bourses lors de la séance des questions orales au ministre de l'Éducation. Suivez professeur Pierre Ndungoma dans ses propos recueillis par Ornella Mouchou. Je pense que octroyer les bourses en tenant compte des provinces ou des régions de provenance des étudiants ou des élèves, ça serait un faux départ. Dans le sens où, avec la vision du Burundi 2040, pays émergents, 2060, pays développés, nous avons besoin vraiment des cadres qui sont suffisamment outillés pour pouvoir mener le pays vers cette vision-là. En d'autres termes, nous avons besoin des techniciens, des cadres hautement qualifiés, à telle enseigne que ça exige que, pour donner des bourses, on tienne compte de l'excellence et pas de la provenance de l'apprenant. Et selon moi, je soutiens largement l'idée que les bourses soient octroyées en tenant compte du mérite de l'élève. Puisque, d'abord, on évite un effet psychologique qui est imminent. Celui qui obtient par exemple la bourse en étant arrangé, entre guillemets, quand il va revenir, il risque de semer la même graine. En d'autres termes, il va faire son travail en pensant toujours à sa région, en pensant toujours au sien. Et ce sera un effet psychologique grave pour le pays, parce qu'on n'aura pas vraiment pensé à la qualité. On récolte ce que l'on a semé. Quand on n'a pas semé une graine de bonne qualité, c'est sûr qu'à la fin aussi, on n'aura pas de bonne récolte. La Corée qui, au départ, était un pays qui était moins avancé comme le Burundi, mais qui pour le moment a misé sur la qualité de l'éducation et qui pour le moment il est à un niveau très élevé par rapport au niveau de l'économie, au niveau des infrastructures, au niveau de l'éducation. On ne peut pas même se comparer pour le moment. Pour que l'on considère la qualité pour ceux qui obtiennent les bourses et l'équilibre des régions, je pense que c'est difficile à le faire dans le sens où celui qui a une bonne note ne ressort pas toujours d'une province voulue. Je pense qu'il faut d'abord lister, faire une liste de ceux qui sont classés premiers et tenir compte de leur place. Si on a besoin d'un élève d'une région, il faut qu'il y remplisse les conditions. Je pense qu'il faut aussi donner beaucoup de bourses aux étudiants pour ces gens-là qui sont des provinces pour lesquelles on a besoin de coopter pour être envoyé à l'étranger pour étudier et qu'ils soient dedans. Mais là non plus, cela ne pourra pas résoudre le problème. Page société à présent, le fait que beaucoup de Burundais ne s'intéressent aux produits made in Burundi et la coupure intempestive du courant électrique sont certains des défis auxquels fait face le bon fonctionnement de la coopérative Beta Health Nutrition qui fabrique des biscuits en commune et province Kayanza. Ce sont là les propos d'Eric Nzodiobidi, président de cette coopérative. Il demande que cette dernière soit appuyée pour élargir ses activités et créer de l'emploi aux autres jeunes, expliquant que la jeunesse laborieuse est une actrice incontournable d'un Burundi développé, n'est-ce pas, Patrick Saint-Yonf? Nzojiobili Eric est représentant de la coopérative Beta Health Nutrition qui fabrique des biscuits en commune Kayanza, indique que l'idée de réaliser cette activité génératrice de revenus a jailli quand on a pensé à transformer certains produits agricoles pour améliorer la nutrition de la population. Le président de Beta Health Nutrition fait savoir que la création de la coopérative visait aussi la création d'emplois pour des jeunes chômeurs. Il dit se réjouir que des jeunes membres de la coopérative parviennent à subvenir sans beaucoup de difficultés en certains des besoins fondamentaux de tous les jours. Des jeunes membres de la coopérative témoignent qu'avant d'adhérer à la coopérative, ils étaient dans une situation de chômage, mais qu'aujourd'hui, ils ont une occupation. Douayezu Joseline, membre aussi de la coopérative, précise que si une fille a affaire, ça lui permet de se protéger contre ceux qui veulent gâcher son avenir en l'incitant de se lancer dans de mauvais comportements. Eric Nzojiobili appelle les jeunes à se regrouper dans des coopératives et associations de développement pour se développer en particulier et développer le pays en général. Même son de cloche avec Alain Guillaume Iradukunda, représentant des jeunes en province Kayanza, qui trouve que le Burundi ne sera développé que si les jeunes s'attellent massivement aux activités de développement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganilo. Merci à Patrick Senghiva pour tous ces détails. Les prisonniers doivent développer les activités entrepreneuriales pour ne pas retomber dans les infractions une fois libérés. Propos de l'enseignant de l'Université du Burundi et avocat Ndayime Dismas. Vendredi 25 janvier 2025, lors d'une conférence organisée par Restoration Burundi, une association pour le développement intégral des familles en situation de la pauvreté autour de la situation des prisons au Burundi. Il demande aux intervenants dans ce secteur à redoubler d'efforts pour que les activités entrepreneuriales soient renforcées dans les maisons de détention. Du moment qu'ils sont en bonne santé, les prisonniers devraient servir dans les travaux. L'organisation Restoration Burundi devrait monter des projets dans ce sens. J'ai déjà assisté à une personne qui enseignait aux prisonniers la confection des chaussures dans la prison d'Ongozi. Même dans la prison de Mouying, j'ai vu que les prisonniers vendent des paniers tissés. Il existe des métiers qui sont exercés dans les prisons. Ce que je ne sais pas, c'est de savoir s'ils font ces activités pour leur compte ou bien pour le compte de la prison. Jadis, la prison centrale de Mimba était entourée par des amarantes. Je pense que c'était pour nourrir les prisonniers. Ce sont les condamnés qui laborent. En développant l'entrepreneuriat dans les prisons, le cas de récidive diminue. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de moyens financiers et les terrains modernes sont certains défis auxquels fait face la Fédération burundaise de karaté. Christophe Ngurundiza, président de la dite fédération, fait savoir qu'il dispose un seul terrain se trouvant à Kiyangé, dans la zone urbaine de Buterere, sur lequel l'équipe nationale s'entraîne. Il précise qu'avec l'appui de l'ambassade de France au Burundi, il compte construire un stade moderne qui abritera les compétitions régionales et chroniques sportives avec Jean-Marie Vianney Guindakouman. Le manque de terrains modernes de karaté est le défi majeur qui hante la Fédération burundaise de karaté. Malgré cela, le président de la dite fédération salue les efforts du gouvernement burundais à travers le ministère ayant les sports dans ses attributions qui a pu construire le terrain d'entraînement de l'équipe nationale à Kiyangé en zone urbaine de Buterere. On est sur ce défi d'avoir des infrastructures de karaté. J'en profite pour remercier donc le gouvernement via le ministère ayant dans ses attributions le sport de nous avoir accordé le terrain de Kiyangé. Là, on a construit le dojo de l'équipe nationale. Cette année, on a organisé des stages là-bas. Alors que souvent, on ratait, on reportait même les entraînements parce qu'on n'a pas où s'entraîner. Malgré toutes ces médailles, on bricolait. Soit on est à l'école française, soit on est au Stella. Aujourd'hui, on nous appelle, il n'y aura pas l'entraînement parce qu'il y a ça et ça. Il n'y aura pas championnat parce qu'il y a ça et ça. Parce que ce n'est pas chez nous. Le président de la Fédération burundaise de karaté précise qu'avec la collaboration avec l'ambassade de France, il compte ériger un petit stade de karaté qui pourra abriter les compétitions régionales et africaines. Maintenant, on est en contact avec l'ambassade de France pour construire un petit stade de karaté de 3 ou 4 sphères de compétition, là où on pourra organiser des championnats, même régionales et africaines. Et plus tard, je voulais avoir des camps d'entraînement mondiaux pour faire ce qu'on appelle karaté tourisme. L'autre défi est l'insuffisance des entraîneurs et arbitres qui ont les licences de niveau international pour soutenir. On fait des efforts pour à chaque formation pour avoir au moins un arbitre formé au niveau continental, au niveau mondial, et kata et comité coach. Et après, ils forment les autres. On arrive à organiser nos championnats parce que quand ils ont formé dans chaque région une équipe arbitrale qui nous aide à organiser ces championnats régionaux. Donc, on ne dit pas qu'on est satisfait. On a des défis parce que dans les autres pays, on peut trouver une centaine d'arbitres mon continental, pourquoi pas chez nous. Mais tout ça, c'est lié au défi des infrastructures et aussi des moyens. Selon toujours Christophe Ngurunziza, à cela s'ajoutent les préjugés du public à l'intention des filles qui pratiquent le sport de karaté. Mais aussi envers le public, envers les parents. Arrêtez un peu les préjugés qui disent que les filles qui pratiquent le karaté ne vont pas se marier, ils vont taper les maris, tout ça. Non, par contre, quelqu'un qui se remet en question régulièrement, c'est une bonne personne. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir des filles et des garçons qui aiment le travail bien fait, qui se remettent en question régulièrement? Parce que le karaté enseigne ça. Et si on va aussi au côté compétition, avoir une vedette fille qui amène des médailles pour la nation, qui fait parler au niveau mondial le Burundi, qui fait monter les couleurs nationales, on n'aimerait pas que les filles de ce pays participent pour aussi représenter le pays. J'inviterai les parents d'assister, de venir voir, aussi vous les journalistes de nous aider pour aussi médiatiser cette activité. Moi, je ne fais pas le contre-exemple. Toutes mes filles font karaté. La deuxième fille a été plusieurs fois deuxième ou première en kata ou en comité. Dans le but de promouvoir le karaté, il demande aux amateurs de différentes disciplines sportives d'appuyer ce sport comme ils le font notamment pour le football. J'interpelle donc les entrepreneurs, ceux qui ont des sociétés, à sponsoriser le karaté parce qu'on a une belle image, que ce soit au niveau africain, au niveau régional, même au niveau mondial. Le karaté est pratiqué au Burundi depuis 1976, mais la fédération de cette discipline a officiellement été agréée en 1980. Voilà, c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition, mais à cela qui vient de nous capter un cours de route. Voici le rappel de l'essentiel. 12 ans après l'incendie qui a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande que la cause de cet incendie soit connue. Les peuples congolais et rwandais qui effectuaient des navettes commerciales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que la région des Grands Lacs, vont souffrir des tensions paralysant l'est de la RDC. Point de vue de Pascal Nyonizidiye, politologue et professeur d'université. Les prisonniers doivent développer les activités entrepreneuriales pour ne pas retomber dans des infractions une fois libérés. Propos de l'enseignant de l'Université du Burundi et avocat Ndayemeye et Dismas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikouanyanga. Bonne suite de nos programmes.